explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ? Vous avez croyé que je vais regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je sais pas, hein. Daniel Fievé. Un peu comme les êtres vivants, les mots naissent, évoluent, se transforment, s'hybrident et se déplacent. Bon nombre de mots que nous utilisons quotidiennement viennent d'ailleurs. Ils ont été empruntés à l'anglais, l'italien, l'arabe, l'allemand, l'espagnol, le néerlandais, le persan ou encore le sanskrit. La liste des langues qui sont venues enrichir notre vocabulaire est bien plus longue encore. Et la plupart du temps, nous avons perdu de vue l'origine de ces mots venus d'ailleurs que nous avons adoptés. Qui se souvient des origines anglaises du mot redingote? Qui se rappelle que le kayak provient de l'Inuktitut, la langue des Inuits, ou encore que algorithme vient du nom du mathématicien perse du 9e siècle, Al-Khwarizmi. Et bivouac, avez-vous une idée de l'origine de ce mot? Nous allons le découvrir dans cette émission. Nous partons à la découverte de ces mots qui ont voyagé dans l'espace et le temps pour faire de notre langue ce qu'elle est aujourd'hui. Mes amis, je ne sais où nous allons. Sur France Inter. Parfait, alors si ça vous dit de faire un tour, allez-y. Le temps d'un bivouac. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Jean Pruvot. Bonjour Daniel. Vous êtes professeur émérite de lexicologie et d'histoire de la langue française à l'université de Cergy-Pontoise. Vous avez récemment publié Le secret des mots aux éditions La Librairie Vuibert. Avec vous, nous allons donc découvrir que beaucoup de mots que nous employons tous les jours viennent de loin. C'est un voyage dans l'histoire de notre langue et dans celle des mots qui composent notre vocabulaire que nous allons faire ensemble. Et les auditeurs peuvent vous adresser une question sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. À 17h, nous ferons connaissance avec Christiane Mordelet, une enseignante qui, en 35 ans de carrière, a fait voyager un millier d'élèves. Du Groenland à la Mongolie en passant par le Ladakh, aujourd'hui elle continue de voyager pour réaliser des films qui ont pour thème l'éducation et l'enfance dans des pays lointains. Voilà pour les étapes du jour, cette émission est réalisée par Clément Nouguier, elle a été préparée par Mathieu Aoued et Sophie Vaux. C'est la saison des dictionnaires et leur cortège de mots nouveaux. Depuis toujours, les dictionnaires sont les témoins de l'évolution d'une langue et d'une société. Parmi les nouveaux mots qui font leur entrée dans le dictionnaire, les anglicismes sont nombreux. Cette année, on a hésité un peu pour drag queen. Le dictionnaire suit les tendances de la société. Comme chaque année, des noms propres ou communs font une entrée remarquée. Qu'est-ce qu'un cosplay ? Selfie. Et le troll fait son apparition. Likez. Bolos. L'actualité produit des mots nouveaux qui sont parfois éphémères, mais qui, quand ils sont bien formés et utiles, rentrent dans la langue. Et chaque année, de nouveaux mots venus d'ailleurs font leur entrée dans nos dictionnaires. C'est le cas de kiffer, de selfie, de spoiler. Et ce phénomène n'a rien de nouveau, même s'il en agace certains parfois quand ils voient ces anglicismes arriver, débouler dans nos dictionnaires. En réalité, ça a toujours existé, Jean Pruvot. Oui, ça a toujours existé, avec une fréquence plus ou moins importante quand même. Et il est vrai qu'aujourd'hui, peut-être ce qui est très intéressant dans nos dictionnaires, je pense à celui de l'Académie française, je pense aussi bien sûr au petit Larousse, au petit Robert, c'est que souvent, ils proposent une traduction. Par exemple, c'est vrai que le fake news est assez récent, mais c'est quand même assez bien qu'on puisse proposer maintenant directement l'infox. Et après tout, c'est en train de se répandre sur les radios. Et voilà une très bonne chose. Alors, il y a spoiler que je viens d'entendre. D'abord, il faut bien le dire, la grande masse dont je fais partie, quand on entend ces mots, c'est pas ce que ça veut dire au départ. On finit par le deviner, donc c'est toujours un peu une mise à l'écart que ces mots anglais. Puis après, on le comprend, puis on se dit quand même, c'est pas très joli. Et puis, vient souvent du Québec, des choses délicieuses, et vient d'entrer d'ailleurs dans les dictionnaires, divulgâcher. Je trouve que c'est pas mal du tout. Et, je préfère ne pas divulgâcher la fin d'un film à mes amis que de les spoiler, qui sort les polluer pour moi un petit peu. Quelques exemples de mots bien connus qui viennent de loin et que nous avons adoptés sans chercher à les remplacer. Anorak. Anorak, c'est un mot qui vient de l'inuit. Hein. Oui, c'est ça, un certain nombre de mots comme ça. Dune également, attesté en français en 1195. D'où viendrait-il ce mot Dune? L'ancien néerlandais Duna. C'est ça, et qu'on va retrouver dans Verdun, dans Châteaudun, dans Issoudun. Parce qu'on l'oublie toujours, mais les noms propres sont aussi très riches d'histoire de la langue. Hein. Mmh. Beaucoup de noms propres sont gaulois. Dune venant plus ou moins de racines germaniques ou celtiques. Mmh. Nénuphar également, Nénuphar vient du sanskrit. Oui, et alors ce qui est très étonnant, parce que c'est un mot qui nous fait beaucoup parler, c'est qu'il a été considéré comme devant être avec un F au départ, et Chateaubriand s'insurgeait quand on a voulu mettre PH. Il disait mais non, nénuphar, FAR, puis après PH, puis maintenant on veut le remettre avec un F. Donc ce sont ces mots qui, à mon avis, sont le symbole un peu de l'attachement qu'on a à notre langue, un peu aussi finalement de conservatisme par rapport à notre enseignement. Parce qu'au 19e siècle, Nénuphar, je l'aurais écrit avec un F et j'aurais fait pousser de grands cris s'il avait écrit avec un PH. Ouais. Et c'est là où c'est bon parfois en linguiste ou l'académie qui prend du recul et qui ne fonce pas tout de suite sur finalement le coupable qui ne l'est pas toujours. Ouais. Grâce à vous, je sais maintenant que le mot bivouac est un mot qui a voyagé. D'où vient-il ce mot bivouac? Alors le mot bivouac, c'est quelque chose de formidable parce que d'emblée, on n'en voit pas l'origine. Il y a des mots qui sont transparents, mais bivouac, non. Alors on se dit bi, il y a deux peut-être. Ben, on n'est peut-être pas si loin dans le concept, mais en fait, il faut considérer que la première fois qu'il entre dans un dictionnaire, c'est dans celui de Furtière en 1690. Il s'agit du dictionnaire universel, bon, qui est l'ancêtre en gros du petit Larousse ou du grand Larousse. Et on explique tout de suite qu'il s'agit de la double garde, parce que dans le fond, c'est la garde qui campe en face la ligne ennemie. Et ce qui est merveilleux, c'est que Furtière donne presque l'étymologie. Il dit ça vient peut-être du... Alors, dit-il, du germanique, de l'allemand, en fait c'est le néerlandais, mais c'est une langue germanique, qui est bijwart, bij qui veut dire auprès d'eux, et wart auprès de la garde. Et là, alors, ce qui est merveilleux, puisque évidemment, tout ce que je dis là, je l'ai un peu fouillé, parce que participer à une émission comme la vôtre, c'est un privilège, donc la moindre des choses, c'est d'aller chercher le mot qui l'intitule. Et je me suis aperçu que les citations les plus nombreuses avec le mot bivouac, eh bien, ce sont celles avec Napoléon Ier ou l'empereur. Alors, on le voit par exemple, pris d'impatience, voulant apercevoir de près le bivouac ennemi, il eut l'audace de s'avancer entre les deux lignes. C'est bien ça le bivouac, c'est petit feu, il y a la tente autour, on est au-delà de la ligne, mais on n'est pas du côté de la ligne ennemie, et on surveille celui qui est en face. Mmh. Et quand même, l'histoire est bien faite, puisque ce qu'on a retenu, bah, c'est le feu de camp, et ouais, c'est le plaisir. C'est ça. Et aujourd'hui, on voit le bivouac des sportifs avant une ascension ou des choses comme ça. Il y a moins d'ennemis dans nos bivouacs estivaux. Alors, il ne s'agit là que de quelques exemples, mais qui n'ont rien de rare ou d'anecdotique. On l'entend avec ce que vous nous dites sur le bivouac. Chaque mot a une histoire longue à voyager. Et selon une étude de 1991, on trouve un peu plus de 8600 mots dans le vocabulaire français qui, comme ça, viennent de loin, viennent d'autres langues, ont été adoptés entièrement dans le vocabulaire français. Oui, alors ce qu'il faut retenir, c'est que dans le fond, la langue française est faite d'autres langues, mais il y a évidemment un noyau. Alors ce noyau, ça a été d'abord le gaulois, les langues celtiques, il nous en est resté une centaine. Cette langue était très proche du latin, et en vérité, quand les Romains ont fait la conquête de la Gaule, bon, ils l'ont faite avec beaucoup de talent, avec beaucoup de respect aussi. On met toujours en avant Vercingétorix, c'est bien triste Vercingétorix, mais quand même les Gaulois ont accueilli en gros les Romains avec plaisir, notamment parce que ils étaient structurés, organisés, ils savaient construire en dur. Mais les Romains étaient séduits aussi par notre charcuterie, par notre mode de vie, et il y a eu donc de bons échanges. Et très vite, c'est le latin parlé qui l'a emporté. C'est ça, finalement, voilà, cette vieille phrase que l'on répète à l'envi, mais qui appartient quand même au roman national, nos ancêtres les Gaulois, il ne reste pas beaucoup de cette langue gauloise. ardoise, vous le dites, une centaine de mots, oui, tout au alors, plus. Oui, alors, s'il s'agit, oui, exactement, s'il s'agit des mots de la langue, oui, une centaine, un peu plus peut-être, 150. S'il s'agit des noms de communes, de villes, alors là, beaucoup plus, énormément même. Mais pourquoi? Parce que Doza en avait donné presque l'explication. En gros, la ruche, qui vient du mot gaulois écorce, on faisait des ruches avec les écorces, ne se vendait pas. Mais le miel, lui, se vendait. Alors le résultat, c'est que le mot miel est latin, on ne sait pas comment il se disait en gaulois, mais le mot ruche est resté gaulois. Ah ouais. Donc on a beaucoup de mots, la bruyère, des mots de ce type, trou, chêne, bouleau, l'arbre, qui font partie des mots gaulois, on les vendait pas. On a gardé les mots gaulois qui n'appartenaient pas au commerce, qui décrivaient juste des objets du quotidien, et par contre tout ce qui faisait l'objet d'un échange, d'un commerce, a été traduit en latin. Alors en gros oui, mais disons que tout simplement ils ont résisté davantage puisqu'il n'était pas l'objet d'un commerce et qu'il restait sur le terroir. Et alors après, il y a eu la langue germanique, donc les invasions germaniques, et c'est ce mélange d'un peu de gaulois, de beaucoup de latin et de quelques milliers, il nous reste à peu près 1000 mots d'origine germanique, qui a créé la langue française. Après, cette langue étant constituée, et on cite toujours les serments de Strasbourg comme étant la première trace écrite. Alors il faut rappeler ce que c'est que le serment de Strasbourg. Là, ce sont les fils de Charlemagne. Alors les petits-fils. Petits-fils de Charlemagne étaient trois, de lits différents. Et Lothaire voulait s'approprier la grande partie du territoire. Et de l'autre côté, il y avait lui le germanique et Charles le Chauve, deux autres petits-fils qui eux n'étaient pas d'accord. D'où en 842 une grande bataille qui a lieu tout près du pays de Colette en Puisaye. Et puis, en 842, il s'estime, après avoir battu Lothaire à plate couture, que c'est pas suffisant. Il faut un traité. Et ils réunissent leurs soldats. Certains parlent germanique, ce sont ceux de l'île germanique. D'autres parlent, le français, ce sont ceux de Charles le Chauve. Et ils échangent devant eux des serments. Et ce qui est très beau, c'est que le germanique le dit en français, le français en germanique. Et quelqu'un traduit ça. Bernard Circulini en a raconté l'histoire merveilleusement. Un certain Nitard, et ça devient notre première trace. Ce qui est très important, c'est qu'en 843 a lieu ce qu'on appelle le partage de Verdun, parce que cette fois-ci on partage, on donne à Lothaire tout ce qui va de Aix-la-Chapelle jusqu'à Rome, c'est très valorisant, c'est une étroite bande, et à l'ouest on met un roi. Eh bien, c'est lui, Charles le Chauve. Non, à l'est, lui le germanique. Et à l'ouest, Charles le Chauve. Et la chance a voulu, que tout ce qui était à l'ouest n'a pas eu beaucoup de successeurs. Et donc, la France s'est petit à petit constituée. Finalement, Bismarck, en 1870, quand il lance cette guerre qui veut unir un peu les pays de langue germanique, et jusqu'au mur de Berlin, c'est la longue histoire de cet est issu du partage de Verdun, qui s'est morcelé par la suite. Alors, ce que je retiens de cette histoire, c'est que le moment de ce traité, 843, c'est la date de naissance officielle du français, on peut le dire comme ça? C'est oui, là où alors, la langue est fixée? Disons que c'est la date historique choisie, et avec un texte qui, dans le fond, est une sorte de fondation. Après, ce sont des emprunts. Alors après, on emprunte et on va enrichir énormément la langue française par des emprunts. Mais alors, faisons une sorte d'exercice de pensée. Si je remonte plus de 1000 ans en arrière, 1200 ans en arrière, et j'arrive dans cette société où le français est enfin officiel et officiellement né, est-ce que je comprends quelque chose à ce que racontent les gens? Alors déjà, il y a presque un artifice à dire que la langue française est née. Parce que, si vous voulez, si on a la trace écrite, on a le langage officiel, on a presque la langue d'État qui est en train de se construire, mais il y a quand même la langue d'oc et la langue d'oil, c'est-à-dire que c'est bien la même langue, ou tout du moins des langues assez différenciées, mais la même famille, et en réalité, il y a des grosses différences, et il faut attendre assez longtemps. On sait que, par exemple, la petite nièce de Larousse disait encore, en arrivant à Nice, « je ne comprends rien ». Bon, on sait aussi que Racine, arrivant à Lyon, disait « je ne comprends pas ». Ça veut dire que quand quand même, c'était une langue avec vraiment des variantes, des variables, et il a fallu attendre assez longtemps pour qu'elle soit unifiée de Dunkerque à Perpignan, et puis toute la francophonie. Après, il y a les emprunts, hein, c'est-à-dire que on ne comprendrait pas grand-chose, d'abord parce que la prononciation était très différente, ensuite, beaucoup de mots ont bougé, évolué, et il suffit de prendre l'histoire de quelques mots, j'en ai en tête, évidemment, pour comprendre qu'il y a eu quelques évolutions dans le sens des mots, et même dans la syntaxe. On va avoir l'occasion, évidemment, d'en parler, hein, de ces mots qui ont voyagé, qui ont fait des allers-retours, qui ont évolué, qui se sont transformés. Un dernier mot sur cette arborescence de langues qui naissent au fur et à mesure en Europe. Elles sont quand même, pour la plupart, toutes apparentées aujourd'hui. Elles ont toutes une même langue mère, on peut dire ça? Alors, j'ai vraiment aimé que vous remontiez à plus de 1200 ans, on est au 9e siècle à peu près. Remontons maintenant à 10 000 ans à peu près avant. Et à ce moment-là, il y a... alors, on ne sait pas si c'est en Oural, on le pense fortement. Peut-être en Turquie, ça n'est pas impossible. Il y a des tribus qui parlent une langue. Cette langue, eh bien, de manière naturelle, par défrichement petit à petit, à l'est et à l'ouest, aussi par conquête, eh bien, elle va se répandre et faire souche. Et c'est cette famille qu'on appelle la famille indo-européenne. Pourquoi ? Parce qu'à l'est, elle va aller jusqu'en Inde, et à l'ouest, elle va être installée en Europe. Et en Europe, ce sera le grec, le latin, évidemment les langues germaniques, les langues celtiques. Toutes ces langues sont de la même famille indo-européenne. On ne le sait pas depuis longtemps. On le sait depuis, en gros, le début du 19e siècle. Les missionnaires, avant, avaient déjà compris qu'il y avait des mots en Inde, et beaucoup de mots qui étaient très ressemblants à des mots français dans le lexique. Pitard, le père, pater, father, padre, tout ça quand même. Quand il y a 700-800 mots comme ça, ça veut dire qu'il y a une souche commune. Alors il y a une langue quand même qui a résisté et qui résiste encore d'ailleurs, qui était avant ces vagues indo-européennes, puisque ça s'est fait par vagues successives, c'est le basque. Et c'est pour ça que souvent, quand on parle du basque, on évoque une langue, certains ont dit une langue d'extraterrestre, parce que on n'en voyait pas les racines, comment elle était composée, on a échafaudé beaucoup d'hypothèses. En fait, elle est pré-indo-européenne. Il y avait quand même des gens qui parlaient des langues. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Europe, la seule langue qui ne provient pas de cette région de l'Oural, c'est le basque. Toutes les autres sont apparentées et descendent de cette langue unique qui a existé il y a 10 000 ans. Ouais, c'est ce qu'on peut à peu près dire. Il y a quelques langues encore en Italie à peine parlées, mais c'est vraiment le basque, oui, tout à fait. Nous nous intéressons à l'histoire de notre langue et au voyage des mots qui, au fil des époques, sont venus enrichir notre vocabulaire. Nous allons voir quelles sont les langues auxquelles nous avons emprunté le plus de mots dans un instant. Pour adresser une question à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac, dans la langue qui vous plaît, pourquoi pas en latin. Bas insigne devotionis. Causa nostrae, Laetitia. Tout va bien? Pardon? Non, je vous demande. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pas grand-chose. Bon, ceci dit, je parle pas le latin. Vous parlez pas le latin? Ah non. Il y en a combien qui parlent pas le latin ici? Eh bien... 4 siècles d'occupation romaine et pas un mot de latin. C'est quand même une performance, ça aussi. Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé sur France Inter. When you're too tense, it's common sense, relaxez-vous. The more you earn, the less you learn to relaxez-vous. Oui, French, you'll find our more inclined to relaxez-vous. Relax, relax, relax, relaxez-vous. Your doctor bills a hole for pills to relaxez-vous. You're in your prime, so now's the time to relaxez-vous. The girls pursue those fellas who can relaxez-vous. Relax, relax, relax, relaxez-vous. You're as tight as a drum. You're as gay as a tune. You better loosen up, chum. Your drum is apt to snap and go boom, boom. boom, and when you go, they'll take your dough. For the taxez-vous, relaxez-vous. Get your sneakers and slacks, relaxez-vous. I don't have to try to relaxez-vous. Chum, I'm much too numb to relaxez-vous. We French, you'll find, are more inclined to relaxez-vous. Relax, relax, relax, relaxez-vous. Babe, I take a tub to relaxez-vous. Bob, I sit and scrub to relaxez-vous. The girls pursue those fellows who can relaxez-vous. Relax, relax, relax, relaxez-vous. You're as high as a drum. I'm as loose as a deuce. You're as gay as a tune. I'm as light as a kite. Better loosen up, chum. Your drum, he's happy to snap and go boom, boom, and away. You go, they'll take your dough. For a taxi-voo. Relaxez-vous. Get your sneakers and slacks. Relaxez-vous. Get your sneakers and slacks. Relaxez-vous. Relaxez-vous. C'était Lynn Renault et Dean Martin sur France Inter. Moi, je sais parler. Moi, j'sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin. Ça va changer ma vie. J'ai des baskets, ça c'est un mot en anglais. J'ai des baskets pour faire mes petits trajets. Un anorak, mot qui vient des Esquimaux. Un anorak pour quand tu fais pas beau. Les spaghettis, mot qui nous vient d'Italie. Les spaghettis me mettent en appétit. C'est le yaourt, mot qui vient de Bulgarie. C'est le yaourt, mon dessert de midi. Jean Pruvot, lexicologue, auteur du livre Les secrets des mots à la librairie Vuber. Vous connaissez cette chanson d'Henri Dess, en tout cas l'extrait qu'on vient d'entendre. Je vais vraiment la récupérer. Ah ben voilà, voilà. Je suis content de vous faire découvrir quelque chose à mon tour. Il a raison, hein, de alors il dit l'Eskimo, on dirait l'Inuit aujourd'hui. Voilà. Il parle de l'italien. Alors il y a comme ça plusieurs langues qui ont enrichi le français au fil des époques. Quelles sont celles qui nous ont le plus enrichi? Alors, quantitativement, c'est l'anglais. On ne sait pas ce qu'il en sera dans un siècle ou deux siècles, hein, mais actuellement, c'est l'anglais, en quantité de mots. Ensuite, c'est l'italien. On n'en a pas conscience, parce que c'est une langue si proche de la nôtre que quand on parle de façade, d'escalier, de douche, de pantalon, de moustache... Tout ça, ça vient d'Italie. Tout ça, ça vient d'Italie. Plus tous les mots de la musique, bon, et là, ouais, on en aurait beaucoup autour du concerto. Et puis, je parle pas des spaghettis qui étaient dans la chanson, évidemment. Et puis, ensuite, c'est la langue arabe qui vient en troisième position, et avec quelque chose de particulier pour la langue arabe, c'est que ça a commencé au 9e siècle, et ça se poursuit toujours. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant. Ouais. Alors que l'anglais n'a pas commencé au 9e siècle. Oui, on va avoir le temps de les détailler un peu tous. Commençons avec l'anglais. Vous dites l'anglais, ça... Finalement, c'est le plus récent, l'anglais. Mais alors, ça nous a submergés, en quelque sorte. Mais ça remonte à pas si longtemps que ça. Alors, ça remonte à pas si longtemps que ça. Et Henriette Walter, une grande amie, raconte combien on a une histoire d'amour, en fait, avec les Anglais, à juste titre. Parce que nous leur avons apporté quand même 66% de leurs mots. Ah oui. Hein, c'est-à-dire que... Oui, ça va dans les deux sens. Voilà. Nous aussi, on partage notre vocabulaire. Et là, ça m'oblige à évoquer une quatrième langue à laquelle on a emprunté. C'est la langue des Vikings. Le Normand, Northmen, et qui a donné lieu donc à une contrée qu'on leur a donnée. Et c'est à ce moment-là que un des descendants lointains de Roland devient Guillaume le Conquérant, Guillaume le Bâtard pour les Anglais, mais bon. Et ce Guillaume le Conquérant s'installe en Angleterre et installe la langue française. Et c'est pour ça qu'il y a 66% de mots en anglais qui sont français. Quand je dis souvent, quand je ne trouve pas le mot, je dis I am not intelligent. je sais pas dire clever, mais ça marche une fois sur deux, hein, parce que le mot anglais était dans le fond doublé par le mot français. Ouais. Alors maintenant, si on prend l'anglais évidemment dans son invasion, si on peut dire, avec des aspects pertinents puis d'autres fatigants, ça a commencé en gros au XVIIIe siècle en termes un peu politiques, parce qu'on avait une admiration. Ça commence toujours par une sorte d'admiration pour un système politique qui était la monarchie parlementaire anglaise. Donc des mots comme club et même bas bleu qui sont blue shockings. Ouais. Enfin, c'était arrive à ce moment-là. Donc quand on parle de club de football, on parle complètement anglais, hein, finalement, même si. Oui, alors bon, on a changé la prononciation parce que ma grand-mère disait club et ça m'amusait. Et puis après, j'ai regardé dans le Petit Larousse de 1856, pas le Petit Larousse, c'était le nouveau dictionnaire de la langue française de Pierre Larousse. Et là, je m'aperçois qu'on prononçait club, on prononçait poudingue. Ouais. Il y a eu des changements de prononciation, contrairement à ce qu'on imagine. Alors parfois, ces emprunts sont plus difficiles à cerner, parce que c'est vrai quand on dit club de foot ou quand on parle de groupe de rock'n'roll, la filiation anglaise est assez évidente. Mais pour certains mots, comme paquebot, par exemple, le bateau, oui, là aussi, ça vient de... Alors ça vient de l'anglais, plus ou moins du français aussi, d'ailleurs. Paquet, ça c'est plutôt français, repris en anglais. Paquet, boat, et ça donnait paquebot. Alors vous en avez beaucoup qui... vous avez redingote, hein, c'est riding... coat. Et c'était encore perçu comme tel, je l'ai vu dans un texte, je crois c'est de Chateaubriand, qui évoque, comme disent les Anglais, la riding coat, la redingote. Ouais. Puis après, il y a tous ceux qui se sont baladés. Hein. Ouais. Alors, un exemple, ça c'est toujours assez amusant. Je vais avoir beaucoup de mal à vous donner un exemple, parce que j'ai envie d'en donner 25. Mais le scout, ça vient de écoute. Ah oui. Ça vient de celui qui écoute, ça donne scout, et puis après c'est celui qui est la sentinelle, et puis ça donne évidemment le grand mouvement qu'on connaît, l'étiquette, c'est ticket qui passe en anglais. Alors il y en a qui sont merveilleux, parce que comme on vient d'évoquer le gaulois, par exemple il y a le mot bouge, la bouge qui était un petit sac en gaulois, qui donne la bougette, le petit sac dans lequel on met de l'argent, qui passe en anglais, en Angleterre. Après 1066, ça devient le budget, avec une prononciation à l'anglaise, qui était peut-être la nôtre. Et puis, comme ils ouvrent la séance financière en défaisant les cordons de cette bourse, le budget, ils ouvrent le budget, ça nous revient sous la Révolution, avec ce sens moderne. Ce sont des mots boomerang, on leur a envoyé, ils nous le réenvoient. On dit ça aussi pour flirter, est-ce que c'est vrai? Flirter viendrait de compter fleurettes, qu'on aurait envoyé en Angleterre et qu'il nous aurait renvoyé sous le... Voilà, le alors aujourd'hui c'est très contesté, mais dans mon imaginaire, je trouve très important d'avoir ces histoires de mots qui sont pas forcément vraies, mais qui font partie de notre culture. Donc c'est bien de dire que ça pourrait être de compter fleurettes. Il semble que ce soit mis aujourd'hui un peu en berne. Ouais. Mais tennis, hein, vous le savez, tennis, tous les ans on le dit, c'était au jeu de paume, tenets, T-E-N-E-Z, attraper, tenez. Ouais. Tenez, la tenez, balle. Voilà, ça arrive en Angleterre, ça se prononce tennis, et ça devient tennis lawn sur le gazon, et ça nous revient. La langue arabe a aussi beaucoup irrigué le vocabulaire français, et nous n'en avons plus souvent conscience. Exemple avec la liste de mots que je vais vous donner. Voici cette liste de mots, c'est un journaliste, Julien Pin, qui a soumis à des gens qu'il croisait dans la rue ces mots. Il leur a demandé, selon eux, lesquels de ces mots provenaient de l'arabe. Alors voici la liste en question. Magasin, potiron, bled, tasse, seum, artichaut, café, jupe, estragon, kiffé, coton, chiffre. Et il fallait trouver lesquels de ces mots venaient de l'arabe. Voici les réponses. Dans ces mots-là, lesquels viennent de l'arabe ? Café, surtout, c'est le plus connu. Ça vient de d'où, café ? Carrefour. Kif-kif, bon. Ouais, kif-kif, exactement. Coton, en arabe, c'est coton. T'as le seum. Là, le seum, c'est le poison en arabe. Ça veut dire le poison en arabe. Du coup, quand t'as le seum, ça veut dire que t'es dégoûté un peu. Je kiffe. Kiffe, putain, je dis tout le temps, depuis que tu dis kiffe, je dis kiffe. Bah, ça vient de l'arabe aussi. En réalité, tous les mots que je viens de citer sont d'origine arabe. Alors pour certains, ça nous semble évident comme kiffer, mais pour magasin, artichaut, estragon, on n'en a plus conscience du tout. Non, du tout. Alors le caban, on pense plutôt à la Bretagne, et l'artichaut, on pense plutôt à la Bretagne. Ouais. En fait, c'est des mots qui viennent de la langue arabe. Et je donne toujours un peu le même exemple, parce qu'il me paraît tellement parlant, éloquent, quand le matin, vous prenez une tasse de café avec zéro sucre et un jus d'orange, tasse, café, zéro, sucre, orange. Si vous le sirotez, en plus, tout ça, ce sont des mots, sirop, qui viennent de la langue arabe. Et quand mon épouse passe sa jupe de coton, son gilet, alors de satin, on n'en a pas, mais bon, il faut que j'en offre un, vraiment. Et puis, elle est au bout du, peut-être, de la radio, maintenant je me suis engagé. Oui, ça, ça, et voilà. Ça, ça et alors, la moire, la mohair, tout ça vient aussi, ouais. Y compris, si vous voulez, gabardine, dont on est à peu près sûr que c'est un mot arabe. Et puis les termes savants, hein, aussi, algèbre, algorithme, alchimie, le zénith, tout ça nous vient de l'arabe. Oui, parce que il y a eu 6 voies d'emprunt. C'est ce que je raconte dans un livre qui s'appelle Nos ancêtres les Arabes et qui a pour objectif de montrer que c'est la 3e langue d'emprunt et que il y a eu plusieurs générations. Et notamment, il y a eu la génération savante quand à Cordoue se sont installés des gens comme Avicenne, Averroès et que effectivement la chimie et toutes sortes de. Alors quand je dis que c'est la 3e langue d'emprunt, c'est peut-être la première en termes quantitatifs si je dépasse les 60 000 premiers mots. Parce que du côté de tout ce qui est botanique et médical, alors c'est à foison qu'il y a des mots arabes parce qu'ils étaient des grands spécialistes du sujet. Donc il y a eu cette mouvance et puis il y a eu le commerce avec les oranges. Alors les oranges, c'est quand même un mot formidable parce qu'il est marqué arabe au départ, effectivement. Je ne vais pas le dire en arabe, je le prononcerai mal. Il passe en italien narange et pomme d'arange en fait. Et on aurait dû dire l'arange. Mais nous avons une très jolie cité qui s'appelle Orange. Et c'est pour ça que ça s'est déformé de arrange, pas facile à prononcer quand même, en orange. Et aujourd'hui, ben, mondialement, c'est orange. Bon, je préférerais qu'on dise orange. Jus d'orange est mieux qu'orange juice. Mais en tout cas, c'est un mot qui est répandu dans Mais quand on vous écoute, Jean Pruvot, on se demande comment ont-ils fait pour dénouer tous ces fils et réussir à comprendre le parcours, ces transformations, ces hybridations, ces métissages, fait de multiples influences. Comment vous êtes sûr de votre coup, par exemple, pour orange? Bon, alors d'abord, je suis pas le premier à en parler, hein, donc évidemment, on a des sources. Ensuite, il m'arrive parfois de trouver, effectivement, tout seul, une racine. Je pourrais parler du mot bandon, on en parlera peut-être plus tard. On en parlera plus tard. Mais à ce moment-là, ce sont les 10 000 dictionnaires que j'ai acquis petit à petit, qui sont sur tous les murs de la maison, plus les documents, plus énormément de choses qui sont sur Gallica, et qui sont évidemment sur Internet, plus largement, qui permettent de trouver des attestations. Ouais. Ce qu'il faut trouver, c'est la première attestation écrite. Alors, je me sens toujours un peu fautif quand je dis ce mot est entré dans la langue en 1152. Parce qu'en fait, on l'a attesté en 1152. C'est au plus tard, en fait. Voilà. Il est possible que précédemment, on n'ait pas de trace. Il est sûr que oralement, déjà, il existait depuis quand? Ça, c'est très difficile. Ouais. Alors, on n'a pas parlé de l'italien à la Renaissance, ou très peu. Donc là, on est au XVIe siècle. Et il était de bon ton de parler italien, un peu comme on fait avec l'anglais par snobisme, et s'en agace plus d'un aujourd'hui. À l'époque, à la Renaissance, on le faisait avec l'italien? Ben oui, au point que, si vous voulez, on ne disait pas la rue, mais la strade. Et que les linguistes de l'époque, Henri Étienne par exemple, s'insurgeaient. Et on fait des textes très critiques, comme l'avait fait Étienne pour le franglais. À juste titre, heureusement, ça n'a pas duré. Mais on a pu parler du fritalien, on a parlé du fragnol, on a parlé du fricain. Ça, c'est Claude Agege qui a évoqué ce mot, effectivement, par rapport à l'anglo-américain. Bon, le franglais, et avec ses excès. Bon, c'est souvent, vous savez, on a eu les précieuses ridicules. Aujourd'hui, on a les précieux ridicules dans le commerce, qui nous sortent des mots qu'on ne comprend pas et qui font que on est obligé de chercher dans un dictionnaire parfois pour comprendre un mot. Je sais pas, le mainstream, j'ai mis un temps fou à comprendre ce que ça voulait dire. Bon, tout ça, ça fait partie des choses qui, je l'espère bien, parce qu'on a aussi une politique linguistique en France, qu'il y a des gens qui veillent, il y a des gens qui sont très tolérants et d'autres qui veillent à juste titre. Bon. Peut évoluer, hein. Voyez comment fake news. C'est ça. Est en il train faut de les battre, deux finalement. Évidemment, il ne faut pas accepter le premier mot venu. Et puis il y en a certains qui sont un peu ridicules. Mais une langue, ça vit. Le lexicologue que vous êtes avec vos, je crois que vous avez 10 000 dictionnaires. Oui, c'est alors, ça, enfin plus. Ouais, alors avec tous ces dictionnaires, vous devez avoir acquis cette conscience que le vocabulaire n'est pas figé une bonne fois pour toutes. Oui, alors la langue évolue. Mais cela dit, on ne dit plus les commodités de la conversation pour parler du fauteuil. Avouez que ça serait un peu ridicule. Hein, bon, on ne peut on ne parle plus des miroirs de l'âme, ça reste très littéraire. Bon, donc si vous voulez, des mots anglais aujourd'hui qui sont inutiles, bon, on évoque toujours le brainstorming, spoiler, etc., mais il y en a bien d'autres, hélas. J'espère bien que ce sera la même chose que pour les précieuses ridicules, ce seront les précieux ridicules. Bon. Ouais. On voyage avec les mots cet après-midi sur France Inter avec le lexicologue Jean Pruvot, et dans un instant, on fera un petit détour par les Canaries avec le reportage de Clément Baudet qui nous emmènera sur l'île de la Gomera où l'on utilise une langue sifflée. Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à lui dire à baba. Entre bonhommes, on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman. T'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie. Demain je change de vie. Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à baba. Entre bonhommes on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman. T'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie. Demain je change de vie. Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à baba. Bientôt j'arrête tout ça, maman. T'as un compte certifié mais t'as pas de followers, tricheur. Les maisons disent sont des salopes, c'est pour ça qu'elles font des avances. Je ferai pas deux fois la même erreur. Demain ton cœur que j'écrase mon mégo. Ça toi je parle donc je fais pas tant de Niro. J'ai pris des grammes et j'ai perdu des kilos. T'assumes pas ta calvitie comme Nio. Ça fait trop de weed pour une seule buzz. Ça fait trop de bitch pour une seule queue. Ça fait trop de mort pour une seule vie. Ça fait trop d'or pour une seule fille. J'suis dans le bendo. Enfermé sur moi, je te salue pas, je suis pas courtois. Loin des malfrats et des bourgeois. Entre vie et mort sur la coudoua. J'entends sale nègre, ah ouais, je me trompe sec, glock, boum boum, bang bang. Tous les jours est un main event. Grand noir et dur comme un bois d'ébène. Trop de chagrin à l'intérieur. J'ai connu la guerre et la frayeur. Rupture de l'hymen, elle me fait de la peine. Je l'ai même pas baisé que je l'ai déjà ken. Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à baba. Entre bonhommes, on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman. T'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie. Demain je change de vie. Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à baba. Entre bonhommes, on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman. T'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie. Demain je change de vie. Mes copines me taquinent, voilà l'acteur. Ma richesse intérieure dans mon laptop. Maman s'inquiète pour mes frères. Elle nous a vu grandir ensemble et certains finir l'octop. Que des cobayes sur une piste étroite. J'ai grandi pareil. La première fois qu'ils te lisent tes droits, c'est quand ils t'arrêtent. Quand ils t'arrêtent, ouais. Notre succès, c'est pour tous les fils de pute de vigile qui nous ont mal regardés. Et quand j'étais petit, j'avoue, j'étais parfois jaloux des enfants que maman gardait. Ceux qui sont venus soulever les meubles, c'était pas les déménageurs. Séparation des ménages, avant que l'enfant devienne un jeune. Moussa passé 4 ans en placard, pour lui c'était sa dette majeure. Et tes rappeurs, ils parlent de quoi? C'est des bofs, c'est des maîtres nageurs. Pour ça, pas un homme, la baby girl. Tu crois qu'on est là depuis hier? Tu parles à fond, tu bibi air. Toujours au fond comme baby air. Maman, j'étais sous gasoline. Mais je veux être un gars solide. Je veux pas voir mes gars sous lit. Non, non, non. Ça m'inquiète. On s'est pas quitté, on enquête. Compte certifié, mais personne te connaît. T'as pas le droit de tweeter en anglais. Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à baba. Entre bonhomme, on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman. T'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie. Demain je change de vie. C'était Nekfeu et Damso, tricheur sur France Inter. Et si nos ados ne sont pas bons en anglais, ils pratiquent une langue qui n'a plus grand-chose à voir avec le français. Toutes les générations ont cherché à s'émanciper par le langage, bien sûr. Avec la génération actuelle, il faut quand même s'accrocher. « Taldet Salah » signifie « quel talent ». C'est vague, wow, c'est moche. À la sortie des lycées, ces expressions font fureur, une langue à part entière. Ça fait plaisir en fait quand je suis avec mes potes, on se comprend. Avec mes copines, c'est marrant. Et je dis, oh, Starfola, je suis choquée ou des choses comme ça. C'est juste pour pas que certaines personnes nous comprennent, les adultes ou d'autres personnes. Alors nous avons vérifié auprès des adultes, je confirme, ils n'y comprennent rien. Si je vous dis, j'ai fait un prank, P-R-A-N-K, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je suis incapable de vous le dire. Hein. C'est pas du français, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pensez du langage des ados? Bon, ça change, hein, comme tout. Hein. Alors, pour être dans le turfu, qui fait cette langue? Ça, c'est d'art. Bon courage. Et oui, de nouveaux mots arrivent dans la langue française, et c'est souvent par la jeunesse. On se sent vite vieux et dépassé quand on entend les jeunes. sortir parler à la sortie des lycées. Le rap, hein, notamment, donne un nouvel élan aux emprunts de la langue arabe. Alors, il y a des exemples. Avoir le seum, par exemple, Jean Pruvot, ça vient d'où ? Alors, avoir le seum, c'est un mot arabe qui veut dire être énervé, avoir le poison, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Et alors, ça signifie avoir le cafard. Alors, je sais que quelqu'un, un jour, me dit, mais alors, pourquoi pas prendre un mot arabe et pas prendre le mot cafard ? Et je dis, mais cafard, c'est aussi un mot anglais. Donc, ça ajoute un mot, pardon, je m'excuse, un mot arabe. Ouais. Alors que ça ajoute, il y a le spleen qui est baudelairien. Donc bon, ça fait partie. Pour moi, ça fait partie des enrichissements de la langue, comme kiffer. Ouais. Hein, je crois que Eric Orsenna disait qu'il devrait entrer dans le dictionnaire de l'Académie prochainement, parce que effectivement, ma grand-mère disait maintenant, c'est kiff kiff. Ouais. Et puis maintenant, on commence à parler de la kiffance. Ouais. Et moi, j'aime assez qu'on dise de la kiffance, parce que c'est mieux que le kiffing quand même. Ah bah oui, c'est ouais, vrai. Bon, de loin. Mettre le dawa, hein, pour dire qu'on met un peu le désordre. Ou dar, tout à l'heure. Ouais. Alors vous, il y a un de ces mots, c'est le bandeau, utilisé aujourd'hui notamment dans le rap, et vous avez vraiment tiré le fil de l'histoire de ce mot, c'est toute une histoire rocambolesque. Écoutez, je veux dire, comme les jeunes, c'est trop d'art. D'art, ça vient de chaudard, en fait, c'est une affaire. Et Léopold demandait comment on construit de nouveaux mots, parfois en enlevant des choses. Ouais. Alors là, c'est quelque chose de merveilleux. Un jour, on me demande, mais d'où vient le mot « on est dans le bendo » C'est un rap qui a fait fureur il y a 4 ou 5 ans. Et je dis, mais je ne sais pas, je vais chercher. Alors voilà l'origine, et maintenant on le sait. Dans notre émission, nos auditeurs le savent. L'indo-européen, au début, avait une racine qui était ban, qui voulait dire la proclamation, quelque chose d'officiel. Et puis, c'est passé en langue germanique, qui est une langue indo-européenne, et on a eu ban, qui voulait dire proclamer. C'est passé en français, par le biais du latin, ça a donné proclamer le banc et l'arrière-banc, le banc de la guerre, proclamer les bancs du mariage. Ça a donné bannière, ça a donné banlieue à une lieue du banc. Ça a donné aussi, bien entendu, abandonner le bandon, et on est abandonné. Le four banal qui appartenait au banc et à tout le monde. Alors ça passe en Angleterre, vous le savez aussi maintenant, aux alentours de 1066 derrière Guillaume le Conquérant, et le mot abandonné devient donc qui était bandonné, puis qui a donné agglutiné, abandonné, ça devient abandoned. Ça passe aux États-Unis, où il y a des maisons abandonnées, comme en France, que font les marginaux, les jeunes, pour les maisons abandonnées, ils s'y retrouvent, ils font de la musique, différentes choses. Et finalement, ça s'abrège, ça devient le bando. Ça nous revient. Et quand je demande au groupe, mais d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire le bando? Oh, ils disent, ça veut dire, on est entre nous, quoi, on est dans la banlieue. Eh ben oui. C'est ouais. Tout juste, c'est à une lieue du banc peut-être, ouais. Mais en tout cas c'est bien effectivement être entre nous dans le bendo. Quel voyage dans le temps et dans l'espace, il est passé par plusieurs continents avant de revenir chez nous et chez nos jeunes. Nous allons découvrir un autre langage à présent avec notre reporter Clément Baudet qui est allé à la rencontre du linguiste Julien Meyer qui étudie sur l'une des îles de l'archipel des Canaries, une langue sifflée. C'est un reportage en partenariat avec CNRS Le Journal. Je viens de dire en français, je m'appelle Julien Meyer, en parole sifflée. Et là, je viens de dire, je suis linguiste et bioacousticien. Je travaille en ce moment au CNRS, au Gypsa Lab à Grenoble, sur essentiellement l'adaptation du langage à la communication à distance, donc la télécommunication naturelle, et comment le langage a été adapté à des communications à plus grande distance, par exemple en transformant la parole en sifflement. Ça s'appelle la parole sifflée. Si je dis bonjour, je peux crier bonjour, et puis je peux aussi siffler. C'est juste une version sifflée d'une langue. C'est un téléphone portable gratuit, naturel et ancien, quoi. Où est-ce qu'on trouve des langues sifflées dans le monde ? Partout dans le monde. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y en avait depuis l'Alaska, la Sibérie et jusqu'à Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Amazonie, beaucoup. 90% des versions sifflées de langues ont été trouvées dans des milieux soit montagneux, soit dans des milieux de forêt dense, qui isolent rapidement les individus. Et donc, le fait d'avoir un système de communication qui va plus loin que la parole normale, que la parole criée, est vraiment un avantage. Alors ici, on va écouter une phrase en espagnol que j'ai enregistrée en 2003 avec un siffleur qui s'appelle Luis dans les vallées de l'île de la Gomera, aux Canaries. Il appelle son frère et il va lui demander d'amener du vin rouge. Donc c'est Francisco trae vino tinto. On n'utilise plus les cordes vocales qui vont résonner dans la bouche. Là, on va articuler, mais par contre, la source du son ne va plus être au fond de la gorge, mais au niveau des lèvres. On peut siffler avec des doigts, on peut siffler avec, en faisant résonner dans sa main même. Il y a plein de manières de siffler. Alors, dans le cadre d'une enquête générale mondiale que j'ai fait depuis 12 ans, on est arrivé à 70 environ langues sifflées repérées qui avaient été signalées comme sifflées. Il y a environ une quarantaine de langues sur lesquelles il y a des papiers de recherche qui ont été publiés. Et moi, j'ai été dans une quinzaine de cultures où j'ai pu l'enregistrer directement et où j'ai travaillé souvent plusieurs mois. Alors là, on change d'ambiance, on est en Amazonie, à la frontière entre la Guyane française et le Brésil, dans un village qui s'appelle Troisseau. Là, il dit « Yawa Moyu Ou ». Donc c'est le jaguar mange l'anaconda. La parole sifflée, elle permet en Amazonie, bien souvent, où la forêt est dense, de se coordonner pendant la chasse. Et les sons sifflés sont utilisés par beaucoup d'animaux. Ça permet d'être moins vite identifié comme humain dans cette forêt. C'est aussi le cas chez les Yupiks de Sibérie. Ils m'ont raconté qu'ils l'utilisaient beaucoup entre l'avant et l'arrière du bateau. Eux, ils chassent des phoques ou des morses. Et les phoques, comme les morses, ils sifflent aussi. C'est aussi une stratégie de camouflage. Et cette stratégie de camouflage, elle a été même utilisée vis-à-vis des populations étrangères humaines. Il y a des témoignages, par exemple, que c'était le cas, par exemple, chez les Berbères. Les sifflements permettaient de résister à l'envahisseur qui était les Français à l'époque. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, en tant que scientifique, dans ces langues sifflées ? En tant que scientifique, on peut voir des points communs, des différences. C'est toujours là-dessus qu'on travaille, les universaux. Est-ce qu'il y a des choses qui sont partout ? Et puis ensuite, le mystère de voir que... avec des sons aussi différents de la voix, le cerveau, il arrive quand même à capter du sens. C'est des choses qui interpellent à la fois pour comprendre mieux la cognition humaine, comment on reconnaît ses consonnes et ses voyelles avec aussi peu de sons. Nous, on l'inscrit dans une étude sur la flexibilité perceptive. C'est ça qui permet à un enfant d'apprendre. C'est ça qui nous permet de comprendre quelqu'un qui parle avec un accent étranger. Donc, c'est intéressant même pour réfléchir à l'acquisition du langage par les bébés ou parce qu'il y a des comparatifs à faire. Donc, c'est très riche. Avec ça, on a un point de vue alternatif avec la parole sifflée sur tout ce qui se fait dans le langage. Un reportage signé Clément Baudet à retrouver sur le site de CNRS Le Journal dont nous sommes partenaires et sur lequel vous trouverez aussi un article pour en savoir plus sur cette langue sifflée. Une réaction, Jean Pruvot, à cette langue étonnante qui permet de se parler à une très grande distance. Bah, d'abord, j'ai trois réactions. La première, c'est que nous ne sommes pas habitués en indo-européen à ce qu'il y ait des tons dans notre langue. Mais les langues asiatiques ont un ton. C'est-à-dire que si c'est très élevé, très aigu, ou au contraire très bas, ça ne veut pas dire la même chose. Pourtant, c'est le même son. Enfin, en tout cas, c'est pas le même son, mais pas la même tonalité. La deuxième remarque, c'est que souvent, mots et notes vont ensemble. On a beaucoup d'académiciens qui aiment la musique. Vous avez Jean-Loup Dabadie, qui est académicien. Vous avez beaucoup de linguistes. Claude Agege joue merveilleusement du violon. Bernard Cerchini joue la guitare. Moi aussi, sur YouTube, on peut me voir jouer de la guitare, on va aller voir et chanter ça, sur mes dictionnaires et siffler aussi. Ah, oui. Et bien, bon, la troisième chose, c'est que c'est un code. Alors, s'il n'a pas fonctionné aussi bien, c'est que l'autre code, qui était celui de nos phonèmes, de nos sons qu'on peut écrire, bah, était peut-être supérieur. En tout cas, c'est peut-être une question aussi de région et de supériorité économique. On poursuit notre exploration de la langue française et des autres à la découverte des mots voyageurs dans un instant. Et puis, vous répondrez, Jean Pruvot, aux questions des auditeurs qui sont arrivées nombreuses pour vous. Le silence a disparu. Ça me fait aussi peur que le vacarme. Aussi loin que je me souviens plus. Aussi loin que je me souviens plus. Je t'attends sur le coin d'une rue. Je sens le métro qui gronde sous mes pas. Pourquoi tu purges ma peine, je me souviens plus. Aussi loin que je me souviens plus. Ah ouais, c'est maudit par eux. Montrez les dents, montrez les âmes. On s'aime aussi bien qu'on s'aime, qu'on s'aime, qu'on s'aime, qu'on s'aime. Ça dépend. J'fais le point sur les soudures, j'recolle les petits bouts de toi. Les petits bouts de toi qui traînent par-ci par-là. Maman, maman, maman, en ce moment j'ai mal. Comment qu'on fait, comment qu'on soigne? Ouais, dis à l'pou qui va plus, j'ai le cœur quoi plus. Dis-moi, j't'aimerais si tu m'aimes plus. Promis, j't'aimerais si tu m'aimes plus. J'ai le cœur quoi plus, le cœur quoi plus, le cœur. C'était Hervé, cœur poids plume sur France Inter, le temps d'un bivouac. L'homme est lui-même à l'origine de la révolution qui s'annonce. Il va faire une découverte qui va changer sa vie. On ne sait pas quelle mouche l'a piqué. Il a voulu s'approcher de cet animal. L'animal n'était pas si dangereux. On pouvait le garder au bout d'une lance. C'est le premier nom qu'on lui a donné. On avait vaincu notre peur et il dansait devant nous. On ne se doutait pas alors de toutes les conséquences de cette découverte, de tout ce qu'on allait pouvoir faire avec du feu. Un extrait de l'Odyssée de l'espèce. Alors, Jean Pruvot, on n'y était pas, mais voilà comment ce docu-fiction imagine que l'homme, en s'appropriant le feu, a mis le premier mot dessus, bran, bran. Ça pouvait ressembler à ça, à votre avis? Les premiers mots de vocabulaire, comment se sont-ils formés dans la gorge des Homo sapiens? Oh ben, c'est une hypothèse plus que probable, alors peut-être pas bran, mais en tout cas, on s'est très vite aperçu, dit-on, parce que nous n'y étions point, ouais, mais que le langage, les sons émis par la gorge s'entendaient, et ils s'entendaient la nuit, on n'avait pas besoin de le voir, parce que le langage des signes est une langue magnifique, son seul défaut, c'est que dès qu'il fait nuit, on ne peut pas le voir, tandis que quand il y a la grotte, il y a les bêtes sauvages, on est d'un côté d'une rivière, un homme peut crier, une femme peut crier, et par des phonèmes, des sons, eh bien, attachés à un mot, produire, dans le fond, un lexique petit à petit. Oui, parler autour du bivouac, on y revient à ce feu du bivouac. Allez, quelques questions d'auditeurs qui arrivent pour vous. Léopold, existe-t-il des innovations dans la langue française, à part les mots que l'on rajoute dans le dictionnaire, à part la réforme qui date de 1990 et dont on a parlé il n'y a pas longtemps? Alors bon, il y a la réforme qui consiste, si vous voulez, à accepter des orthographes qui ont un peu bougé. Bon, donc là, est-ce que c'est des mots qui changent vraiment? Je ne sais pas. En revanche, créer des mots, c'est constant. Hein. Une langue meurt si elle ne crée pas de mots. Donc si elle n'innove pas d'une certaine façon, on vient de voir qu'elle peut enlever une syllabe, comme dans dard. Les jeunes disent c'est trop dard. Mmh. Ça vient de chaudard, comme on dit chaud devant, vous savez. Mais on verra dans le Petit Larousse et dans le Petit Robert, chaque année des mots comme, je ne sais pas, je pense au lombricompostage. Bon, on vient d'inventer l'infox, ouais, hein, pour fake news. Donc voilà des mots qui sont imaginés et bien faits, avec l'aval de l'Académie française d'ailleurs pour infox. Donc c'est quelque chose de porteur. Alors Alexis vous demande, s'il y a autant de langues qui ont une racine commune, pourquoi ne pas toutes les unifier? Est-ce que dans le futur cela pourrait arriver? Et Eglantine complète, est-ce que l'espéranto a un avenir? Alors la réponse première, c'est que il y a énormément de langues, on en compte à peu près 6000, donc on est loin de pouvoir les unifier, parce que on a évoqué la famille de langues indo-européennes, mais il y a la famille de langues sémitiques, il y a d'autres familles de langues donc africaines, et par conséquent c'est gigantesque le nombre des langues. Alors avant l'unification, ça serait vraiment un énorme problème. Alors pour évoquer l'espéranto, bah mes parents étaient des militants espérantistes, et quand j'étais jeune, à 10 ans, je faisais partie des congressetos, c'était les petites colonies de vacances où on parlait espéranto entre des Japonais. Vous le parlez encore aujourd'hui? Là, ça vous a beaucoup servi? Pas vraiment, mais beaucoup à mon père qui collectionnait des timbres et qui échangeait avec des Chinois. C'est une langue qui fonctionne bien, comme le latin d'une certaine façon. Moi je ne rejette pas du tout l'espéranto. Ça ne sera pas les autres langues, mais c'est une langue véhiculaire intéressante. Toute dernière question en quelques secondes. Un auditeur qui vous demande, pouvez-vous nous dire deux mots sur le lien langue régionale, accent régionaux? Alors c'est très important parce que effectivement notre langue a un accent qu'on dit neutre, mais c'est vrai, il est pointu, diront les Québécois, et c'est celui du Nord, la langue d'Oig, et la langue chantante du Midi, et ça a entraîné parfois des orthographes un peu différentes, et les mots du Midi, on les oublie, mais des mots comme amor, amour, hein, c'est quand même un mot essentiel, nous viennent tout droit de Toulouse, de cette cour toulousaine, et donc il y a beaucoup de mots qui sont, alors à travers Mistral aussi, qui les a mis en avant. Merci Jean Pruvot, je rappelle le titre de votre livre Les secrets des mots chez la librairie Vuibert, et je cite aussi Nos ancêtres les Arabes aux éditions Jean-Claude Lattès. Un grand merci à C'est vous. C'est moi qui suis enchanté d'être avec vous. Je vous présente notre invité de la deuxième heure, Christiane Mordelet. Bonjour. Bonjour. Vous avez été enseignante de physique. En 35 ans de carrière, vous avez fait voyager un millier d'élèves du Groenland à la Mongolie en passant par le Ladakh, l'ancien Zaïre et le Grand Nord canadien. Aujourd'hui, vous continuez de voyager pour réaliser des films qui ont pour thème l'éducation et l'enfance dans des pays lointains. Nous allons découvrir votre parcours et ces voyages que vous avez faits avec des jeunes du monde entier. Un grand merci à vous, Jean Pruvost et Christiane Mordelet. À tout de suite.